Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Toi qui es victime des injustices, sache qu'il y a un Dieu qui est juste. La Bible déclare que la justice et l'équité sont la base de son trône. Il s'appelle Yahvé Tchikinou. Confie-toi en ce Dieu-là, il te rendra justice et tu verras. Ceux dont on t'accuse aujourd'hui, ceux qui t'accusent seront dans la confusion. Ne sois pas troublé, réveille-toi, tu vas invoquer le nom du Seigneur. Celui qui te rendra justice, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 14, du premier verset jusqu'au verset 12. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons donc Romains 14, 1 à 12. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Si se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant les tribunaux de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Nous devons éviter deux choses dans notre vie. Évitons de discuter sur les opinions et évitons de juger les autres. Ici, l'apôtre Paul parle des chrétiens faibles et des chrétiens forts. Le contexte ici, c'était le contexte d'une église, une communauté où il y avait un mélange des gens qui venaient du judaïsme, d'autres du paganisme. Les chrétiens d'origine juive, par exemple, ils avaient certaines considérations par rapport aux viandes qu'on doit manger et qu'on ne doit pas manger. Ils avaient des considérations sur des jours, par exemple le sabbat qu'il faille respecter. Ceux d'origine païenne aussi avaient certaines considérations. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle des chrétiens faibles et des chrétiens forts. Alors, il y a certaines questions où la Bible dans le Nouveau Testament ne tranche pas pour dire que c'est bon ou ce n'est pas bon. C'est ce que l'apôtre Paul parle des opinions, c'est-à-dire des choses qui peuvent être des convictions personnelles. Si toi tu penses que tu peux manger la viande et l'autre manger des légumes, ne discutez pas sur les opinions. Il ne faut pas dire que celui qui mange la viande commet un péché ou celui qui mange des légumes commet un péché. Vous voyez? Ça dépend de la conviction personnelle. Il en est de même des questions de l'observation des jours. Si les chrétiens d'origine juive estiment que c'est le sabbat ou c'est que les gens pensent samedi, c'est le jour où il faut prier, il faut les laisser. Il ne faut pas aussi juger celui qui ne prie pas les jours du sabbat. Vous voyez, c'est ça l'idée de l'apôtre Paul ici. Ce n'est pas ce qui est important, les jours où on doit prier, les jours où on ne doit pas prier. Vous voyez, c'est pourquoi il dit ici au verset 1, « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange pas, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Vous voyez, évitons donc parfois des discussions secondaires qui ne font pas avancer la foi. Deuxième vérité, notre raison d'être c'est Christ. Nous vivons pour Jésus. Lorsque tu sais que toi tu as été racheté, tu dois savoir que tu vis pour Jésus, tu ne vis plus pour toi-même. Il y a des gens qui pensent qu'ils vivent c'est pour avoir l'argent, pour avoir la renommée, ils vivent pour manger. Non, mon ami, notre raison d'être, nous vivons pour Christ, ça nous devons le savoir. Il est dit au verset 7, « En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Lorsque tu comprends que tu vis pour le Seigneur, c'est-à-dire que tu dois chercher à plaire à Christ, avant de poser un acte, tu dois te poser cette question, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Est-ce que tu comprends, mon ami? Quel est ton but, mon ami? Toi qui cherches à aller en Europe, ce n'est pas mauvais, mais quelle est la finalité? Tu dis, moi je cherche carrément à aller en Europe. En Europe, c'est pour chercher quoi? Est-ce que tu sais que lorsque tu veux aller en Europe, il y a certains qui perdent la foi? Mais si, par contre, tu penses que même en allant en Europe, tu vas continuer à t'attacher au Seigneur, fais-le, tu vois? Mais fais attention. Mais il ne faut pas seulement qu'aller en Europe, aller au Canada, soit comme un but de la vie. Tu penses que si tu arrives là, tu réussis la vie. Nous vivons pour Jésus. C'est-à-dire, où que nous allions, tu dois te poser la question, est-ce que là où je pars, est-ce que ça va me rapprocher de Christ? Est-ce que ça va m'amener à marcher dans la sanctification, à glorifier le Seigneur, à le servir? C'est ce qui est important. Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur. C'est pourquoi même quand le Seigneur te bénit, il te donne l'argent, il te donne le travail, il faut que cela glorifie le Seigneur parce que nous vivons pour lui. Troisième vérité, nous devons savoir que chacun de nous va comparaître devant le tribunal du Christ. Quand on parle du tribunal du Christ, c'est différent du jugement que va subir le non-chrétien. Le tribunal du Christ, c'est ce lieu où chaque chrétien devra rendre compte sur sa marche en tant que chrétien pour être récompensé. C'est là où nous recevrons les œuvres, où certains verront leurs œuvres consumées par le feu et ils perdront leur récompense. Donc chacun de nous doit savoir qu'il va comparaître devant le tribunal de Christ et c'est lui qui va juger nos actions. Évitons souvent de nous comparer. Vous savez, il y a des actions que nous faisons parfois juste pour que les autres nous voient, pour que les autres nous estiment. Ce sont les œuvres parfois qui n'honorent pas le Seigneur. Et le jour où nous allons comparer devant le tribunal de Christ, ces œuvres-là seront consumées par le feu. Donc faisons attention. C'est pourquoi il est dit ici, au verset 10, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi mépris-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Lorsqu'on t'a confié, par exemple, les responsabilités, je parle à quelqu'un, « Regarde, depuis que tu es responsable de maman, tu ne fais pas le travail pour lequel on t'a élu. Tu rendras compte à Dieu de ta responsabilité. Lorsqu'on te donne la responsabilité de la jeunesse, sur le plan régional, sur le plan national, tu dois rendre compte. Lorsque même tu es directeur d'une structure, d'une société, tu rendras compte. Lorsque même tu es pasteur, on t'appelle pasteur, tu es berger. Mon ami, l'église ne t'appartient pas. Toi, tu es responsable. Le vrai berger, c'est Jésus-Christ. Chacun de nous rendra compte à Dieu sur la gestion, la manière dont tu gères l'église. Lorsque nous le comprenons, nous devons faire le travail de Dieu avec sérieux parce que chacun de nous rendra compte à Dieu de sa manière dont il va gérer sa vie, dont il va gérer l'œuvre de Dieu, dont il va gérer ce que Dieu lui a confié.

Sois béni, éternel notre Dieu, toi qui entends nos voix quand nous crions à toi. Oui, tu es celui qui écoute la prière, c'est pourquoi nous venons à toi. Sois béni, ô éternel notre Dieu, toi le Dieu qui écoute et qui répond, Seigneur, en faveur de ton peuple. Que l'honneur te revienne en ce moment, ô notre Père, notre Seigneur, toi qui nous fais du bien. C'est pourquoi nous te bénissons, c'est pourquoi nous te glorifions. Toi, le Dieu vivant, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es le Dieu de notre salut, le Dieu de notre délivrance. Tu es le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Oh, que l'honneur te revienne, notre Père et notre Seigneur. Toi, le Dieu plein d'amour. Oh, nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions. Nous te magnifions, toi le seul vrai Dieu, le Dieu compatissant, le Dieu plein d'amour. Oh, nous te bénissons encore une fois de plus. Que l'honneur et la gloire te reviennent, toi seul, au nom de Jésus. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sous la brèche. Notre texte du jour, c'est Romains chapitre 14, versets 1 à 12. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir dans ce passage que nous devons éviter de discuter sur des opinions et de nous juger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent du temps en train de discuter sur des choses. Est-ce que la vraie église, c'est là où on parle en langue? Est-ce qu'on ne doit pas parler en langue? Il y a des gens qui discutent même sur des questions de comment on doit prier. On doit prier avec foulard ou sans foulard. On doit manger telle chose, on doit manger telle autre chose. Vous voyez, les choses parfois pour lesquelles nous passons du temps qui divisent. Bien-aimés dans le Seigneur, prions le Seigneur pour que nous puissions arrêter de faire cette discussion inutile et secondaire, qui ne font pas avancer l'œuvre de Dieu. Et évitons de nous juger, de dire que l'autre est mauvais. Moi, je suis bien. Que Dieu nous aide à pouvoir nous comparer à Christ, à considérer l'essentiel de la foi. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce ce matin. Nous te glorifions, ô Père éternel. C'est une joie pour nous, ô Père éternel, d'être appelés enfants de Dieu. C'est une joie et un privilège de bénéficier de toutes les grâces liées à la mort et à la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous demandons que tu nous fortifies, que tu nous guides dans notre marche chrétienne, afin que nous soyons toujours des modèles. Nous prions, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que les critiques cessent en notre sein, que les compétitions entre les différentes communautés cessent et que des accusations stériles concernant des jugements de valeur cessent dans le nom de Jésus-Christ. La chose la plus importante, ô Père éternel, c'est d'être des imitateurs de Jésus-Christ, c'est de suivre le modèle de Jésus, de suivre le modèle des apôtres qui ont suivi Jésus-Christ pour l'œuvre du Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous demandons que ces valeurs soient ancrées en nous, que l'amour de Dieu soit une réalité dans nos vies, que la paix de Dieu soit une réalité dans nos vies et que tout ce que nous faisons dans la vie soit couronné, soit entouré de toute forme d'exemplarité dans le nom de Jésus. Nous déclarons que tout obstacle, tout blocage, tout ce qui nous empêche de nous épanouir, de travailler ensemble, de regarder dans la même direction, de nous donner les mains d'association pour contribuer à l'avancement de ton œuvre, sont ôtés au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce nous environne, Que ta grâce nous accompagne, ô Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour toutes choses, pour ton amour, ô Père éternel. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Jésus. Si le Seigneur t'a donné le travail, ton travail est pour Jésus. Si t'as donné le ministère, c'est pour Jésus. L'argent, c'est pour Jésus. Tu vas prier pour dire, Seigneur, j'aimerais que réellement je puisse vivre pour toi. J'aimerais que tout ce que je fais aujourd'hui puisse te glorifier parce que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. Prions le Seigneur. Béni ce matin, glorifié ce matin pour ta parole, pour ton esprit, pour le rachat de nos vies, et nous devons totalement consacrer à toi. Merci parce que tu nous dis dans Galates 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Mon argent, ma vie, mon âme, mon corps, mon esprit, ma famille, mon travail, c'est toi qui me l'as donné. Et j'ai foi, Seigneur, que tu ne peux jamais m'abandonner. Si je vis aujourd'hui, c'est pour la gloire de ton nom. C'est pour la gloire de ton nom, pour être zélé pour ton œuvre, dans la prière, dans la méditation, dans l'évangélisation, dans la justice, dans la sanctification. Que ta grâce se répande sur nos vies, notre Dieu, notre Père, dans la soumission. Gloire à toi, honneur à toi, parce que sans toi nous ne sommes rien. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous venons de voir que chacun de nous rendra compte à Dieu, parce qu'il va passer devant le tribunal de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, faisons donc attention. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois que nous avons fait le travail de Dieu avec mépris, où nous avons négligé même les dons qu'il nous a donnés, les talents qu'il nous a donnés, où nous avons négligé notre responsabilité en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que directeur, en tant que chef d'entreprise, parce que chacun de nous rendra compte à Dieu. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide à faire le travail pour lequel il nous a appelés avec sérieux au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, encore une fois, nous t'apprécions, nous te bénissons et nous te remercions pour tout. Merci parce que nous déconnons, nous sommes instables, insatiables, nous sommes infidèles et nous ne savons pas souvent ce que nous faisons. ou souvent même nous le savons, mais nous le faisons avec négligence. Le don que tu nous as donné, la position que tu nous as donnée, la faveur que tu nous as donnée, nous négligeons, nous gaspillons et nous ne sommes pas conscients de ce que nous dilapidons, les dons et grâces et faveurs et argent que tu nous donnes. Aie pitié de nous, sanctifie-nous Seigneur, car chacun de nous rendra compte de ses actes, de ses pensées, de ses dons, de ses faveurs, de ses grâces que tu nous as données, de l'argent que tu nous as donné, de l'épouse, des enfants que tu nous as donnés. Père, en ce jour et particulièrement dans ce mois, aide quelqu'un comme moi, aide mon frère, aide ma sœur à être réellement conscient et à ne point négliger le don gratuit que tu nous as offert pour faire ton œuvre, pour faire évoluer ton œuvre, pour que le royaume de Dieu progresse. Mon Dieu et mon Père, soutiens, fortifie. Fais-nous sortir de là où nous sommes tombés et que par le chemin nouveau que tu nous donnes, donne-nous d'entrer maintenant pleinement dans toutes ces grâces et que ton nom puisse être glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que le dimanche suivant, c'est-à-dire le dimanche 13 mars, nous allons poursuivre notre rencontre Bonheur conjugal des célibataires avec le même thème. Une main puissante le forcera à te laisser aller. Nous aurons deux services. Le premier service commencera à 16h et le deuxième à 18h. Soyez à temps. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force. Joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.